Bonsoir, vous êtes à l'écoute de Bonjour Minnesota à 106.7 à Saint-Paul et 90.3 Minneapolis, Radio Sans Frontières. You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM in St. Paul. Radio without boundaries. The program we present is Bonjour Minnesota. Bonjour, Caril. Bonjour. Bonsoir, Dana. Bonsoir Olaf. Bonsoir, Dana. Olaf. Ça fait longtemps. Comment bien ça de va? Te revoir. Oui. Bon, c'est bien après d'être après de longs, ce ici. Long voyage. Mm-hmm. Ben, il faisait beau là-bas. C'est. Il faisait froid. Non, il faisait froid. Il faisait c'était froid. Hein? Oui, oui, oui. C'est des... Ici, ils avaient 20 degrés centigrades. Et là-bas, c'était 5 ou 8. Donc. Ah, tu étais où? Munich et puis centre, Francfort, des places comme ça. Oh, bien. Et encore en Suisse, hein? En Suisse. Oui, on a eu une automne magnifique, oui, mais oui. Je crois que ça va finir ce week-end. Alors, on m'a dit qu'il va pleuvoir le soir, vendredi soir, et oh là là, la neige va tomber pendant le soir. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a comme musique? Si on passe à la musique. Oui, ne sont pas. On ne va pas penser à la neige. Oui, alors. Non, ça ne va pas arriver chez nous. Alors. On va commencer avec une chanson pour Louise, notre amie, qui est chez elle, qui va très bien, mais qui vient d'avoir une opération sur le genou. Alors, bonne santé, Louise. Et voilà pour toi, c'est Charles Trenet, Douce France, suivi par Charles Trenet et La Mer. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime. Et je te donne ce poème. Oui, je t'aime. Dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France.

aux rêves des autres qu'on voudrait imposer. Ces mots-là ne mentent pas, non. C'est ton âme qui chante ta mélodie à toi. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi, c'est comme si, comme ça. Ça se sait, ça c'est sûr, on sait ça, c'est comme ça, comme ça. Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi, c'est comme si, comme ça. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Créer ce qui me fait du bien. Je suis comme si, comme si, comme ça. Ne m'empêcherai pas de suivre mon chemin. Créer ce qui me fait du bien, de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi, c'est comme si, comme ça. So we heard Charles Trenet in two of his signature songs. The first one, Douce France, and the second one, La Mer. And these two titles, you always will associate them with Trenet. Well, I don't have to say very much about Douce France. He just reminisces about how he was a child, how he goes to his village and so on. So it's very romantic and sentimental. And La Mer has, well, he sings it with a lot of verve. So it has something of the power and of moving waves and of the sea. And then we heard Zaz in Comme Si, Comme Ça. Well, that's the way it goes. This way or that way, Comme Si, Comme Ça. And the first, the songs by Charles Trenet are dedicated to Louise, who has been a staunch supporter of this program and also has been a help in many of our programs. So, and we hope a speedy recovery. Mm-hmm. Louise was one of the original founders. That she was on many, many years ago regularly, and she comes in because she's so fun. What do we have? Do we have some more Zaz? Oui, encore une chanson de Zaz qui s'appelle Gamine. Bon, alors, une seule ou j'annonce encore? OK. Les restes. Encore des chansons qu'elle aime, Louise? Oui. Quelles sont les autres chansons? Il y en avait un que j'ai oublié pour les enfants. Mm-hmm. C'est dans cette ici, non pas? Oui. Okay. Michel Sardou, tu vas le jouer? On y va. Non. Un enfant. Je pourrais t'attraper comme ça et d'un coup t'arracher les yeux si tu ne me regardais pas avec la joie d'être amoureux. Je pourrais tourner sur la tête. Tu prenais l'envie de ne plus croire en mon bonheur. Ça me fait mal, ça me brûle à l'intérieur. C'est pas normal, et j'entends plus mon cœur. C'est des histoires pour faire pleurer les filles. Je n'ose y croire, je ne suis plus une gamine. Thank you.

l'éternel absent, le moins que personne, j'aurais sur mon cœur quelqu'un de moins fort que j'endormirais avec mes chansons. Comme un dieu oublié du ciel, je l'admirerais, moi, son plus petit. Comme un homme devant un géant, moi, pour cet enfant, je me grandirais. Un enfant. Un enfant de moi, un enfant de toi, qui ressemblera, un peu à mon père, à mes bons côtés, à en faire pleurer les copains. Comme un fou, je l'emporterai, je l'élèverai tout seul comme un lion. Et je lui expliquerai la tâche originelle et nous en rirons dans le même lit. Comme un dieu oublié du ciel, je l'admirerai, moi, son plus petit. Toi, un enfant de toi, sans être marié, sans être marié, un petit bébé, un petit bébé. Et si tu m'en donnes, si tu m'en fais, si tu m'en fais, tu pourras retourner avec tes copains. Minnesota Nice goes a long way on Give to the Max Day. Last year, Minnesotans gave more than $18 million to nonprofits and schools across the state. Visit www.givemn.org on November 17th and donate to KFAI. Sans parler, sans pudeur. prendre un enfant sur son cœur, prendre un enfant dans ses bras. Mais pour la première fois, verser des larmes en étouffant sa joie, prendre un enfant contre soi. La mer rouge, des îles blanches aux îles d'or, vers l'horizon où rien ne bouge, point à trouver l'île au trésor, mais tout au bout de son voyage, dans un endroit peu on lui raconta le naufrage et l'île au trésor s'était noyée. Quand on est une île, on vogue tranquille, trop loin de la ville, malgré ce qu'on dit. Mais un jour arrive où l'amant dérive, on songe à la rive du bon vieux Paris. L'île Saint-Louis a de la peine, du pôle sud au pôle nord, l'océan ne vaut pas la Seine, le large ne vaut pas le port. Si l'on a trop de vagues à l'âme, Notre-Dame, on prend le temps de réfléchir. Quand on est une île, on reste tranquille au cœur de la ville. Moi, je vous le dis. Pour les îles sages, point de grand voyage, les livres d'images se font à Paris. Alors voilà, Louise, pour toi. Il y avait beaucoup dans ces dernières chansons. D'abord, Michel Sardou avec Lyricain. Michel Sardou in The Americans, a slightly slang expression, Lyricain. And, ensuite, Michel Sardou a chanté Un enfant. Then Michel Sardou sang Un enfant, which, however, was not exactly the one that we wanted. That we wanted to dedicate to. Et Louise. Ensuite, Michel Sardou, Prendre un enfant. Ça, c'est une chanson que Louise aime beaucoup, je sais. The next song was Sardou in to take the hand of a child, to embrace it, to take a child to your heart, to take a child and hold it tight. And that's one of the songs that Louise likes. Et la dernière chanson, Léo Ferré, Île Saint-Louis, parce que c'est là où Louise habitait. So the last song in this cycle of hommage à Louise is Île Saint-Louis, and that's Léo Ferré, a very talented and poignant singer. And this is Île Saint-Louis, is where Louise lived when she was a young girl, woman in Paris. And even though this song isn't Louise's favorite song, I'm going to play it for her because it makes me feel really good. And this one's for you, Louise. I listen to it and pretend that the man who's singing it is my boyfriend. False alarm. I can't get it to work. I apologize. Not sure what's going on with the chanson, but we will try to have a different song after that. Oh, dear. Oof. One more try. Here we go. Je joue de la guitare sur le bord de Seine, je le fais pour toi. Et si je saute du haut de la tour Eiffel, je le fais pour toi. En terrasse d'un café, je t'écris un poème, je le fais pour toi. Je voudrais un voyage, un tour en tandem, et ta main dans la mienne. Parce que je aime mon amour, parce que je te aime pour toujours, oh, de plus en plus fort, jamais plus encore. Et si je chasse des papillons sur le toit des maisons, je le fais pour toi. Ma vie est un sourire, une révolution, quand je pense à toi. Si je combats des loups, des sirènes, des dragons, je le fais pour toi. Si tu veux le pourquoi de cette chanson, de ce grain de voix, c'est parce que je te aime, mon amour. Parce que je te aime pour toujours, de plus en plus fort, ta-da-rap, ta-da-rap. Jamais plus encore, ta-da-rap, ta-da-rap. Et laisse-moi te raconter une histoire humaine, comme il y en a des tas. Il était une fois une jolie ritournelle, écrite seulement pour toi. Parce que je te aime, mon amour. Parce que je te aime pour toujours, de plus en plus fort, jamais plus encore. De plus en plus fort, de plus en plus fou, de plus en plus fort, de plus en plus fou. Parce que je te aime, mon amour. Support for KFAI comes from The Electric Fetus, your local record store for over 48 years. Now paying cash for used records in excellent condition. The Electric Fetus, 4th Avenue South at Franklin or at efetus.com. How about that for Louise? C'était quoi? Oui. Je t'aime, I love you, by Baptiste Jabicon. Jabicon. And it's, of course, he sings about how he loves his interested woman and how every day more and more. So it's a very romantic song, and Baptiste rendered it in a very, what should I say, suave form. To fall in love with that voice. You're listening to Bonjour Minnesota. If you would like to hear some songs or let us know that you're listening, call the studio line while the music is playing at 612-341-0980. What Donc, do we have next? Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez bien nous téléphoner au studio au 612-341-0980. 80. Mais pendant que la musique joue, comme ça, on peut prendre votre communication. Qu'est-ce qu'on va écouter maintenant? Ben, c'est de nouvelles chansons qui nous arrivent de RFI, Radio France Internationale. Et c'est une des toutes nouvelles. Des chansons qu'on écoute à la radio maintenant ou qui vient de sortir. Et on va commencer avec quelqu'un qui s'appelle Tim Dup, D-U-P, vers les ours polaires féminins. Et on y va. Matin et soir, soir et matin, change de wagon, je change de train, sans entrain, pour assurer mon train, train quotidien. Matin et soir, soir et matin, je change de wagon, je change de train. Y a de tout dans ce train, des gens qui dorment, des chiens qui pissent, des femmes enceintes, des enfants bruyants. Le matin c'est bondé, le soir c'est blindé, ça pue, ça chante, ça se lamente, tout ça se vend d'avoir une petite vie, oui monsieur, d'avoir une vie monsieur. Parfois les femmes se maquillent, se parfument parce qu'elles sont moches et qu'elles puent parfois des mecs enivrés, défoncés en mer les passagers, mais c'est jamais bien méchant dans le TER centre. Le trajet, je le connais par cœur. De la campagne à Paname, dans les banlieues, les trams s'ébranlent dans le froid sous un soleil de plomb. À travers les nuages et la pluie dans le brouillard hivernal, on est serré. Tu suffoques des minutes entières et quand le train s'arrête et que les portes glissent, les rails se mettent à grincer, à gémir. De douleur, elles crissent, elles frémissent. Les banquettes sont chauffées par des culs différents, les regards se croisent indifférents, les paupières se ferment fatiguées, éreintées d'une journée épuisante. Les chances s'effilent en building, les grands arbres s'enterrent et se changent en parking. C'est tout un monde que tu traverses quand tu prends le TER centre. Soir et matin, change de wagon, change de train, sans entrain, pour assurer mon train, train quotidien. Matin et soir, soir et matin, change de wagon, change de train. Y a de tout dans ce train, des gens qui pensent, des gens qui pensent aux gens, des gens qui pensent aux gens qui pensent, ceux-là sont un peu barrés quand on y pense. On voit des mecs qui décuvent d'une soirée au calme, on croise des jolies minettes tombées au bord des larmes. Y'a de tout, y'a une âme, un truc qu'on n'explique pas dans le TER centre. Dans le TER centre, y'a pas d'étiquette. On détruit les notions inculquées trop jeunes dans les têtes. C'est hétérogène, on se prend pas la tête. On n'a pas les mêmes gènes dans le TER centre. Les gens qui voyagent ne se parlent pas beaucoup, mais je crois bien qu'ils s'aiment quand même. En même temps, tu te sens proche de l'autre quand tu partages un retard d'une heure 57. Je vais ici et là jouer de mon piano dans des soirées au fil de l'eau. Qu'est-ce que la vie des gens sinon celle dont ils rêvaient enfant? Et moi j'ai toujours voulu devenir un ramasseur de souvenirs. J'effleure le blanc et le noir en attendant que vienne le soir, une silhouette de hasard dans la pénombre de ce bar. Oublie la fadeur de ce jour pendu à mes notes de velours. J'ai mis des sons, des rires et des airs dans un grand sac de verre. J'ai pris mes clics et quelques bières. Je suis parti jusqu'au bout de la terre. J'ai mis des sons, des rires et des airs. Tout ça dans un grand sac de verre. J'ai pris mes claques et mes chimères. Je suis parti voir les ours polaires. Prêt pour le grand cabotage de rencontres en partage. Je veux voir les autres autrement, toucher leur vie, leurs sentiments. Et nous partirons vaille que vaille au souffle de ce que nous sommes, provoquer quelques entailles à l'idée qu'on se fait des hommes. Plus de peine ni d'histoire vaine. C'est décidé ce soir, putain, je quitte la plaine. J'ai mis des sons, des rires et des airs, tout ça dans un grand sac de verre. J'ai pris mes clés et quelques bières, je suis parti jusqu'au bout de la terre. J'ai mis des sons, des des rires et des serres, tout ça dans un grand sac de verre. J'ai pris mes claques et mes chimères, je suis partie voir les ours polaires. J'ai mis des sons, des rires et des airs, tout ça dans un grand sac de verre. J'ai pris mes clics et quelques bières, je suis parti jusqu'au bout de la terre. J'ai mis des sons, des rires et des airs, tout ça dans un grand sac de verre. J'ai pris mes claques et mes chimères, je suis parti voir les ours polaires. Du haut de tes talons de glace, tu danses et tu t'éclipses. Tu traces ta route dans ton blouson dégueulasse, les mains hautes, tendues sans réponse, creuses sans espoir, sans lance, dans l'endemain qui pourrait dire je t'aime et parfois même te dire que tout est bon. Tes baskets défoncées, tes vêtements de prêt-à-porter, c'est dans mon cœur que j'aimerais te porter. My Regent, le vent dans tes cheveux défaits, tu t'es dissimulé vers un ailleurs. Tes lèvres grises et de rancœur de n'avoir pu effleurer les miennes. Je rêve que tu n'as plus peur et que l'on découvre ensemble les rues de Sienne. J'espère partager ta tendre mélancolie. Mes jours sont de marbre, bien plus noirs et tristes que mes nuits. La pluie sourde et déluvienne abîme cette scène. Je me jette dans la Seine. Je me jette dans la Seine. Métaphore d'un laisser pour compte qui va et qui vient ne fait que passer. Car oui, l'amour se défile et défile, il nous casse la gueule sans trop de difficultés. À porter, c'est dans mon cœur que j'aimerais te porter. My Regent, le vent dans tes cheveux défaits, tu t'es barré, cassé, envolé, et je n'attendrai pas, je rentre dans les ordres. programming is supported by AMPRS and the Minnesota Arts and Cultural Heritage Fund, announcing AMPRS.org. Featuring music, arts, and cultural stories, including many produced here at KFAI. Information and audio at AMPRS.org. AMPRS, diverse radio for Minnesota's communities. Alors voilà, trois chansons par Tim Dup. D'abord, numéro un, c'était Vers les ours polaires. Terre. We did Terre three Centre. Songs by Tim Dup. Terre Centre, which may mean center of the world or center of the earth, but it's not totally clear. The next one is Vers les ours polaires, and then Moira Gint. So he's only 21 years old. He's only 21 years old and has a very, well, singular voice. And then his music is very rhythmic. I was impressed by the beat that he gives. Yes. And apparently what he does is he writes his own songs and then he tells stories through his songs, which are extremely interesting. And he's, as you said, only 21 years old. Mm. But that's not surprising because he started to do music at the age of 7. And then he continued. At 15, he was being taught, or he was a pupil of one of a very good teacher who discovered his talent, and that's what he says. And basically, he is extremely well regarded right now, and on his way up. Up and coming. Mm-hmm. Yeah. J'ai trouvé ça bien, bien formé, sophistiqué pour un jeune de 21 ans. I love that, as you said, the heartbeat sound, just the layers of sound, just amazing. What do we have next? Et maintenant, from on a Cléa Vincent. Mm-hmm. Avec « Je m'attendais pas ». Et ça va être suivi par Laure Briard, Dalida. J'ai cherché l'amour dans les yeux des uns des autres, mais aucun n'a fait son lit dans mon nid de chercheuse d'or. Des histoires des entre-deux, j'en ai eu des tas, mais là où je suis maintenant, je ne m'y attendais pas. Je m'y attendais pas, je m'y attendais pas. Je me suis débattue dans les sables mouvants, j'ai érigé des remparts. Ils n'ont pas tenu longtemps l'amour sans horizon. Je l'ai vu 10 fois, 100 fois, mais là où je suis maintenant, je ne m'y attendais pas. Je suis tombée sur toi. regard n'a pas empêché. Enfuis-toi tant qu'il est encore temps. Ton cœur, tes cheveux, ta beauté, l'innocence se lit dans tes yeux. La peur dans nos regards n'a pas empêché. Enfuis-toi tant qu'il est encore temps. Ton cœur, tes cheveux, ta beauté, l'innocence se lit dans tes yeux. Vous êtes à l'écoute de KFAI 90.3 FM à Minneapolis et 106.7 FM à Saint-Paul et Radio Sans Frontières. You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM Saint-Paul. Radio without boundaries. And the program that you've been listening to is Bonjour, Minnesota. What was that delicious, trippy music we just heard? Ben ça, c'était Laure Briard avec Dalida. And it says that she's from Toulouse, composing her own songs. And it definitely brought me back to, like, 1970s, which reminded me of... Well, the music was somewhat similar to Jarre. Jean-Michel Jarre. So let's take a petit. Yeah, let's compare it. I thought that we heard some echoes from Jean-Michel Jarre. Here we go with Jean-Michel Jarre, Oxygène. Thank you. So we heard now Jean-Michel Jarre in a piece called Oxygen. And the reason why we were playing this is because the previous singer was Laure Briand. In her songs, now many years after Jean-Michel Jarre, had some echoes of this type of music. I mean, some of her music was the rendition and the electronic element. Mm. Were quite similar is not the right word, but I mean, one reminded us of the other. That's why we spent a few minutes with Oxygène by Jean-Michel Jarre, who was one of the pioneers of electronic music. Mm. And he was also involved in film music quite extensively. And very much so, and creating like a soundscape. Just the layers. Yes, exactly. I'll bring one in. I know I have an album by Jean-Michel. That would be great. Yes. We could have listened. That Oxygen went on for 39 more minutes. So we wanted excerpts, to perhaps have just a little excerpt of that. And then we wanted to play some music for which Dalida, and she was Egyptian born, right? Oh, she was huge. Very sang popular. In so many languages. Yeah. Here, we'll play a disco song by Dalida. Yes. Because that was the title of the song by Laure. Yeah, kind of an homage to Dalida. And now let's hear what Dalida has to say. Okay, here we go. Je vis comme si j'étais en vacances. Je vis comme si j'étais éternelle. Comme si les nouvelles étaient sans problème. Moi, je vis d'amour et de rire. Je vis comme si y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Je tourne le disque, je vais, je viens, j'ai appris à vivre comme si j'étais libre et en équilibre. Moi, je vis d'amour et de rire, je vis comme si y avait rien à dire. J'ai le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi danser, chanter en liberté, tous les deux. Laissez-moi danser, laissez-moi aller jusqu'au. Je ne rêve plus, je ne fume plus, je ne l'aime plus. Dis-toi, je suis sale sans toi, je suis laide sans toi, je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de fille et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade, comme ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade, car on ne sait jamais quand tu pars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans comme un rocher, comme un péché, je suis accroché à toi. Je suis fatigué, je suis épuisé de faire semblant d'être heureuse. Quand ils sont là, je bois toutes les nuits, mais tous les whisky pour moi ont le même goût et tous les bateaux porte ton drapeau, je ne sais plus où aller. Tu es partout, je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps et je suis comme un oiseau mort. Comme toi, tu dors, je suis malade, complètement malade. J'avais du talent avant ta peau. Cet amour me tue. Si ça continue, je crèverai seul avec moi près de ma radio, comme un gosse idiot écoutant sa propre voix qui chante là je suis. Ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec. Je suis c'est pas la peine d'aller. chercher plus loin, faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ces gueules à la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps, on aime plus. First of all, thank Axel for calling in. Merci, Axel. Yes. Thank you very much. So, this is very encouraging if we have people like Axel calling in and talking to us and asking for various kind of songs. That's what we're here for. All right, so we saw we had a trilogy of Dalida. And the first one, Laissez-moi danser, a very famous song, a disco-type song, disco beat, in which she sings, well, dance every day. She starts Monday, Tuesday, etc., and is apparently very up to dancing. The next one is Je suis malade. This is less, what should I say, funny, but she doesn't sleep all night long. She doesn't dream anymore. So that's kind of depressing. And then the last one is Avec le temps, tout s'en va. With time, everything vanishes. Assez triste, hein? Oui, c'est horrible. Bon, on a... We were going to try to find a song by the Italian singer Luigi Tenco. Axel was reminding us that she had had that love affair, and then after that she committed suicide, and she was so talented, Dalida. Beautiful. Just beautiful. Awesome. Beautiful woman. She was the best star of the disco era in Europe and all over the Middle East. She was the best. So what a great homage tonight to just play a bunch of songs. So what do we have? We have one announcement coming up here for the station, and then we'll have the upcoming events. KFAI is supported in part by Southside Pride Monthly Newspaper. Locally owned and operated in South Minneapolis, Southside Pride celebrates the racial and cultural diversity of the South Side and serves the Phillips, Hiawatha, Seward, and Cedar Riverside neighborhoods. Information is available at southsidepride.com. Some announcements? Why not? Pourquoi pas? The Alliance Française is asking for your donations because November 17th is Give to the Max Day, when you give to your favorite charity. And they tell us here that you can register and give now through Give and then Min, capital M, capital N. You can schedule the donation for Give to the Max Day on Thursday, November 17th. Why is it important for you to schedule your gift? Well, pre-scheduled donations are registered for a drawing that could win the Alliance Française a golden ticket of $10,000. Additionally, this year, some friends of the Alliance Française have proposed a matching fund. It holds true for KFAI. Also, we can certainly use your donations for here at the station for Give to the Max Day, November 17th, and you can schedule to your bid ahead of time. Right, just Thursday, so it's a great opportunity. So you can do it immediately and avoid the rush. I was thinking about this strange thing. A lot of us there are people out there who are fortunate enough to not have been touched by a disease or have a reason to have to give to a certain charity. They actually have the freedom to give to whatever charity they feel like. There's actually people that just give because, oh, we give that at work. You know, they just give money at work because they do that. It's not like they don't think about it. But when it's Give to the Max Day, it's really a time to think about the charities that you really care about that are close to your heart. And KFAI is one of them. Things that bring great musicians and authors from around the world to have roundtable discussions about topics that aren't being represented on the news or in the public media. We have so many great opportunities to give to organizations. So I would say Give to the Max and think about us at KFAI and think about the Alliance Française. Okay, that's my... Right, and I mean, if it's a contribution that you would do anyway. Right. I mean, at some other time of the year, well, this gives a little bit of a chance to actually augment it. And it's tax deductible. Mm-hmm. So... All right. Well, we don't pay any taxes anymore, right? What? Oh, taxes are over? Yeah. There goes the infrastructure. Who needs police? We've got vigilante system now. I'm selling tinfoil hats, by the way. To avoid that thought police. Rays from outer space. Mm-hmm, the rays and the thought police. Well... The Alliance Française has a nice trip coming up in May 12th through the 22nd of next 2017. And they are going on a guided tour with Sarah Monick and Christina Solander-Buzina, who is the directress of the Alliance Française. They will have a wonderful trip. They're going to both Tours and Bordeaux. And you can imagine there'll be a great wine tasting on the boat. Tours especially is where all the lovely chateaus are and great soft wines. It's where the great French kings used to take their vacations and go hunting in that area. Mm. And you will see gorgeous chateaux. My favorite, well, what's your favorite? I don't know. Chambord. Well, actually, Chambord, I do love that one. It's the biggest, but... I like... Le Rideau? Saint-Germain-de-Livet in Normandy. It's a very small castle that... Not Renoir's. Oh, there was a relative of Renoir that lived in that castle. It's just very small. It has a moat. It was there since mm-hmm. the 1200s. Saint-Germain-de-Livet. What's your favorite? Le Rideau, because it has the furnishings. The people at the time did not tear down the place nor steal the furnishings because mm-hmm. they liked the man who was the noble who had that castle. And it crosses over a river, and it's very lovely. Also, it was had a And the very entire bridge is the bridge. Yes. It's like a... Well, like a salon, it's windows. It's beautiful furnishings. And actually, during one of the wars, World War II, it was kind of transformed into a into a hospital. I mean, for the soldiers. So it's very very interesting. I like the one that Leonardo da Vinci was. Blois, there's a great museum of all the things that he designed. And he spent his last years at Blois. Ah. And that's the one where they have the ramp where the horses go up. Oh. We'll try to post some of these on our Facebook page. What's so exciting is that the royals, they bequeath the estate with the furnishings and... many of the castles, some of them still have all of these pieces in them. Most of them, though, were sacked. Yeah. Sacked during the Revolution. Yes. Right. Well, they're telling about this trip. They're going to visit three castles in their sumptuous gardens, as well as three family-run vineyards, ranging and enjoy cuisine and the different restaurants, ranging from casual to elegant. It's great for those of you who like to travel with the spirit of exploration and adventure. That will be coming up more. And if you'd like information too, as you may know or know not, Tours is the sister city of Minneapolis. We've been linked together by Jumelage for some, many years. 25 at least. Mm. Also coming up, Jeune Cadre Dynamique is going to have a do with the Beaujolais Nouveau Thursday, November 17th from 6 to 8 p.m. at the Marché Lime Apartments. Now, I didn't know about this place. This is where young professionals get together. They'll have light appetizers and a glass of Beaujolais Nouveau. The event is at this marché at the Lima Apartments, 2904 Lindale Avenue South, 8 p.m. And you will taste the Beaujolais Nouveau. There is a charge. If you're a member of the Alliance, you get a little break on the price. We can tell you, if you call in, the price. Are you a photographer? Well, the Alliance is looking for 2017 calendar submissions. If you have a great picture of one of your trips in France, now's the time to send it in. It says that it has to be in by November 20th. However, it's only the 15th. There's time. Send them to calendar at afmsp.org by November 20th. Lots of classes. Mini session November 28th through December 17th. Those are three-week classes called mini sessions. All kinds of activities. Let's see. Oh, there's too many for me to mention here. There are all things such as grammatical. How do you use the subjunctive and the conditional? Or do you want to learn how to cook some nice desserts for the upcoming holidays? Mm-hmm. That'd be fun. Bûche Noël, maybe? Mm-hmm. We're going to try to have on Christophe et Patrick again soon. Wonderful. Mm-hmm. To tell about French dinners. And mm-hmm. Oh, good. And we've got some other CDs coming up about the food of France. Let's do a quick reminder that the Franco-American Chamber of Commerce dinner is taking place, their Fête du Vin, Beaujolais Nouveau and Beyond, Friday night. Where is that, Dana? 6 p.m. at the IDS Tower, Windows of Minnesota. And the guest speaker is Secretary of State Mark Ritchie. Mm. He's going to be presenting Welcome the World to Minnesota in 2023, Putting Our Global to Work. So there is, you can visit their website for the Franco-American Chamber of Commerce, of course, to register. That's food and wine and entertainment. Good evening. It will be very nice. Mm-hmm. And very sumptuous. Actually, Richie is, we had him for KFAI. An interview mm-hmm. at some time ago, and actually, he speaks French or is quite Francophile. So this is an added incentive to go and partake of the wine and whatever little things they have. Upcoming exams, it's called the DELF. It's for everyone. It will take place on the week of December 5th. Registration closes November 23rd. It's a test for those interested in teaching in France through the TAPIF program or for those who are required to have a certain level of French for school or work. It's valid for life. Also, there's another test called the DAEFLE, D-A-E-F-L-E, and it will be held December 7th. Registration closes November 11th. Well, maybe you can still get them to let you in. Mm-hmm. It's for French language instructors who have completed the coursework of the DAEFLE. Kids sessions, January 9th. It's time to register now. Usually they give you a break on the price if you register early. Dan Chouinard is busy doing all kinds of things. The third Monday, he has a sing-along at Luther Seminary Olson Student Center. All welcome, Lutherans especially. But he also has, they run a show at a bar. Or a well, there's a place called Crooners. Crooners, yes. Yeah, and they have that. And what you should do is look him up on the website. Yes, he has many. Because he has a large number of activities and venues. So, but he is certainly December 11th special guest Debbie Duncan on the Birthday Club at Crooners. Yeah, that's the one. Yes, that's the one. That's what they do. Monday, December 12th. Oh, this would be fun with Kevin Kling. Mm. Great comedian, Simone Perrin and the Brass Messengers at the Guthrie for an edition of Tales from the Charred Underbelly of the Yule Log. December 18th, Dan will be singing and putting on a show with Maria Jetty and fiddler mandolin player Richard Crean on the Birthday Club at Crooners. Check him out if you... it's absolutely worth your time. Wonderful entertainer. Very interesting. And I believe that's about it for today. Maybe if I find more, I'll let you know. All right. Do we have some music? Oui. La prochaine chanson? La prochaine chanson, ça va être... Gata? Okay. Qui va vous chanter Léo, suivi par Hygiène des conséquences. Ce soir sortons les draps de lumière. Et toi qui me dis gâta et l'air fier, je vois se déliter le désir à jouer des manquements amers. Je me rappelle de nos danses à l'aveugle sans voir, comme un jeu animal que personne n'aurait pu croire. J'ai plus peur du nous, j'ai peur de plus te voir quand les bornes auront crevé nos cœurs devenus noirs. Léo, Léo, vivre c'est pas la guerre. Léo, Léo, le vide c'est pas l'enfer. Léo, retiens-moi, tu verras comme tu m'es cher. Léo, fais-moi taire, promis j'apprends à ne rien faire. La nuit ne nous perdra pas, même avec tous ces froids qu'ont duré nos bras au long de nos émois. La nuit ne donne pas sa chance aux ébats qui sont tombés du ciel un soir où je ne t'attendais pas. J'ai peur de voir l'amour s'effaner. Et tous les 15 au soir de voir lui dire au revoir. J'ai peur du nous, j'ai peur de plus te voir quand les bornes auront crevé, nos cœurs devenus noirs. Léo, Léo, vivre c'est pas la guerre. Léo, Léo, le vide c'est pas l'enfer. Léo, retiens-moi, tu verras comme tu m'es. Léo, fais-moi taire, promis, j'apprends à ne rien faire. The Internet Geeks at IP House are proud supporters of KFAI Community Radio. IP House provides internet hosting and access for your community, large or small. More information is available at iphouse.com. Une vague se forme dans la mer du Nord. À chaque larme que le vent ignore, pour un sourire sans raison, un nouveau jour se lève à l'horizon. Dans le désert de tes habitudes se cache encore un grain de solitude. À chaque dune qui se déplace, c'est une empreinte qui s'efface. On avance, c'est fragile. fragile, mais ça tient la distance. Des causes et des conséquences. Des causes et des conséquences. Et sur ce fil, j'avance. Je suis fragile, mais je tiens la distance. Des causes et des conséquences. Des causes et des conséquences. Une vague se forme dans la mer du Nord. Dessine son histoire juste au bord. Comme on écrit ses mémoires, on se retire vers le brouillard. Dans l'écume de nos maladresses, se glisse encore une goutte de tendresse. Chaque erreur qui se répare est l'aube d'un nouveau départ. Ça tient la distance. Des causes et des conséquences. Des causes et des conséquences. Et sur ce fil, j'avance. Je suis fragile mais je tiens la distance. Des causes et des conséquences. Des causes et des conséquences. Des conséquences. En funambule, on avance. C'est fragile, mais ça tient la distance. Des causes et des conséquences. Des causes et des conséquences. Et sur ce fil, j'avance. Je suis fragile, mais je tiens la distance. Des causes et des conséquences. Des causes et des conséquences. Et sur ce fil, j'avance. Et sur ce fil, j'avance. Et sur ce fil, j'avance. Des causes et des conséquences. Wow. Yeah, so we heard Gata in Leo, which is a song essentially talking about Leo having him hold her tight. And hold her. So basically, I mean, it's a love song to Leo, who is mentioned several times in this song. But the rhythms are, again, I think with the whole program that we got from RFI, has to do with very rhythmic music and very beat, mm-hmm. and electronic music. So he sings and plays the cello, she sings and plays the cello, and writes and composes songs. So it's quite a interesting presentation. Really, yeah. She reminds me sort of this 1990s grunge singer. Reminds me of PJ Harvey, and I don't know why. It's just her. Sound is so strong with her vocals. Yes, and this basically she is typified as saying being that her singing reveals a feminine, strong-willed musician, and that comes through. The second one is Igitt in Des Conséquences, and basically what he sings about various kind of situations. I mean platforms. I mean, drilling rigs in the North Sea, fog, morning after, etc., etc. And then his refrain is cause et conséquence, meaning cause and effect. So nothing is, everything has an effect, whatever you do. So don't believe that you can escape that. So that's basically his message. And again, his music is fairly new. I mean, he hasn't been on the scene for very, very long. So he's been in, he has been in Paris, and he has also settled in Canada and Slovenia. So he's quite a world traveler. And he sings for people about the simple things of life, but with an impressive fervor. What do we have next? Encore des chansons qui nous viennent de RFI, Radio France Internationale. Ce sont des chansons toutes neuves. Et voici Adrien Soliman, avec Brille, un Parisien qui était saxophoniste d'abord. Il a invité deux de ses amis, la guitare et un ingénieur de son, chez lui en Bretagne. Et ils ont enregistré une demi-douzaine de chansons. Ça va être suivi par Baba Gallo et, mon Dieu, comment prononcer ça? Mongibadu. On y va? Seconde dans l'espace, tu je me lasse pas, je te lâche pas. Dis pas le mot, tous les deux. Vu sur ton dos, amoureux. Ma belle, mon étoile, l'étoile, le tendrement, doucement, ma chair à l'air, ton corps à l'or, le sentiment, j'apprends lentement. De la peur, crève-moi les yeux, larmes de feu, serre-moi encore, petite mort, vite, emporte-moi à nous deux, ma belle, mon nez. Mon étoile, l'étoile, le tendrement, doucement, ma chair à l'air, ton corps à l'or, le sentiment, j'apprends lentement. Prie, nous deux. Tu veux. Thank you. Are you trying to spread the word about your organization or cause? Check out The Wave Project on KFAI. The Wave Project is a weekly, one-hour open access time slot available to any member of the community. It's a perfect opportunity to educate people about your cause. You provide the content, we provide the engineer. Together, we spread the word about your mission. Learn more at kfai.org/waveproject. Plus dormir, je ne veux pas fermer les yeux sur les choses qui m'ont été promises sous un orage de mer. Il n'y a pas de repos, même la nuit tombée, quand le ciel noir promet que demain sera là, tout a recommencé. Yeah. Okay. We are coming to the end of the program with just 2 minutes left. What were those last songs we heard? The last songs, the first one was, the first one of this group was Adrienne Suleiman and Brille, mm-hmm. Shine, Shine, Shine Both of Us. And then he says, you can do whatever you want with me, but shine. The next one, Barba Gallo, Mungi Bedu. Bedu, Mungi Bedu, however that is... Easy for you to say. it's about go under the sun from valley to valley, and Barba Gallo has traveled all over the world, and this comes, is visible or audible in the kind of songs that he does from Australia to wherever, and Mungi Bedu is some kind of a mixing or union of both French and British pop songs. The last one, Requin Chagrin, Adélaïde, is again a very kind of soft song about Adélaïde, but by a singer or songstress, Requin Chagrin, the sorry shark. But her name actually is Marion Frunetto. The chagrin, the not sorry, chagrin is the sadness, chagrin. The chagrin, shark. The chagrin shark. Well, we'll have to wish you a great week. We are out of time. Il ne reste plus rien de temps. Alors, au revoir tout le monde. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. I can possibly say that this selection was by Clémentine Deroudille. We leave you with one Django Reinhardt. We'll launch the Balkan Jamboree right after.